MEV dans vos oreilles. Semaine 18. 12 octobre 2019. On est passé devant un endroit où il y avait des Totoro. Et en fait, on se trouve dans une immense boutique de Studio Ghibli. C'est horrible, on a envie d'acheter tout. Mais on a deux avantages. C'est que de une, on rentre pas tout de suite chez nous, donc on sait qu'on peut pas trop s'encombrer. Et de deux, tout est emballé dans du plastique, donc ça nous retient un peu. Sauf le truc en carton, qui vaut 110 balles quand même. Mais t'as quand même emballé dans du plastique. C'est spécifique. Il y a une petite fenêtre en plastique, c'est vrai. Mais ça va. Mais c'est juste. Il y a plein de trucs qui sont magnifiques. C'est vraiment pas du tout le truc à la Disney, tu sais, un peu lourd, quoi, tu vois. Là, il y a plein de trucs hyper fins, hyper... C'est japonais. C'est japonais. Ouais, c'est tout. D'accord. Ouais. Je voulais un pins, mais ils sont tous emballés dans le sachet en plastique, quoi. Petit pins Totoro. Moi, j'ai vu une espèce de petite pochette Totoro toute douce en pilou-pilou, là, j'avais trop envie. Mais regarde-le aussi, il est trop mignon. Il y a un Totoro grandeur nature. C'est presque le vrai. C'est un peu le diable, cette petite, quand même. Ah, c'est complètement... C'est horrible. Nous sommes désormais en direct du supermarché le plus proche de notre hostel. Dans mon pire cauchemar. C'est dur de trouver les choses qui ne contiennent aucun plastique. Bah, à part son chocolat, il n'y a rien d'autre qui n'est pas emballé dans du plastique. J'ai trouvé un Kit Kat chocolat noir qui est dans un emballage carton. J'ai hâte de découvrir si à l'intérieur c'est un sachet tel qu'on connaît. Moi je lui dis que oui, mais il veut pas me croire. Je viens d'avoir le cœur net et en même temps j'ai envie d'un Kit Kat. Il veut tuer une tortue pour en avoir le cœur net. Ouais, genre ça va tuer une tortue ça. Donc les carottes sont emballées par deux dans du plastique. Moi je crois que c'est. Le chou est coupé en deux et emballé dans du plastique. Tous les fruits et légumes sont emballés dans du plastique. Ah oui, tout. Sauf... quelques pommes. Et un melon. Et de l'ail. Et de l'ail, oui. Mais il y a aussi... Il y a aussi de l'ail emballé dans du plastique, mais il y en avait un qui n'était pas emballé dans du plastique. Il y a aussi des pommes emballées dans du plastique. Ils ont ouvert le plastique pour les... Non, les pommes, je pense pas, parce que c'est un truc en carton dessous. Donc, voilà. On fait le tour pour essayer de trouver ce qu'on va dîner. Ça va être compliqué. Je pense qu'on va falloir bien se renseigner où est-ce qu'il peut y avoir potentiellement des boutiques. J'allais dire zéro déchet, je suis pas sûr que ça existe. Si, je pense qu'il doit y avoir des trucs. On va approfondir. Mais là, on est un petit peu décontenancé. Voilà. Enfin, on s'y attendait, hein, mais vraiment, je pensais pas que ce soit autant. Nous avons des briques, enfin, vous savez, comme des. Comme des briques de jus d'orange, quoi, ou de lait. Voilà, ou... qui sont filmées avec du plastique en plus. Mais pourquoi, les gars? Pourquoi faire ça? C'est incroyable. Voilà. Bah, du coup, on se demande si on va pas s'acheter une petite bouteille de whisky pour... Pour oublier tout ça. Vu que c'est en verre. Bon, y a du vin qui s'appelle Bon Marché. Ça donne pas du tout envie, autant te dire, c'est la piquette de chez nous, quoi. C'est quoi le nom de la marque de trucs en plastique? La villageoise. Peut-être pas, hein, mais ça donne cette impression. Il y a aussi un vin qui s'appelle le Délicat Maison. Mais sans le thé. Voilà. 14 octobre 2019. On n'a pas grand-chose à vous raconter parce qu'on n'a rien visité encore. On continue à faire du travail. On a travaillé puis on était malade. Ouais. Puis il a plu. Mais à partir de demain, on va essayer de se bouger un peu les fesses. Oui, bon. Visiter. En même temps, on s'imprègne de l'ambiance. Ah oui, complètement. Et là, on s'imprègne d'une sacrée ambiance. Le royaume de la décadence. C'est un immense immeuble consacré à de l'électronique. Je crois qu'il y a... Je sais pas combien d'étages, je sais pas. Je sais pas, nous on est au moins un, il y a un moins deux, et après je sais pas combien d'étages au-dessus, mais... Il y a au moins sept étages, je crois que c'est sur sept étages. Oui. Et donc il y a tout, ce que tu cherches en électronique. Là, je cherchais un stylet pour ma tablette pour pouvoir dessiner dessus, que je ne trouvais pas jusque-là. Bah, évidemment, c'était assez facile, hein, ici. Oui, ça n'a pas posé de problème. Mais alors, il y a... je sais pas combien de surface de vente en mètre carré, juste pour des protections de téléphone. Mais toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs, enfin vraiment c'est hallucinant. Voilà, donc là, on va aller faire un petit tour quand même, je pense que ça fout le coup d'œil. C'est à la fois hyper angoissant parce que quand tu rentres dans ce bâtiment, il y a des millions de trucs écrits dans du coup une langue qu'on ne comprend pas, donc c'est un peu agressif avec plein de couleurs en tous les sens, tout ça, donc t'es là, oh oh. Et en même temps, c'est un peu fascinant. Ouais, on n'a pas trop l'habitude. Oui, ça nous laisse perplexes, mais on va se balader. Oui, c'est une forme de tourisme. On s'imprègne de l'ambiance, on a dit. Bon, on a dit qu'on n'allait pas acheter d'autres choses que ce dont on avait besoin. On vous en parle tout à l'heure. Je sais pas si vous entendez bien, mais c'est le rayon jeux vidéo. octobre 2019. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de monde. C'est horrible. Ça y est, on s'est décidé à visiter, enfin. C'était temps. Et du coup, ça nous change un peu de notre petite ambiance tranquille de quartier où tout est hyper calme et tout. Là, c'est genre. C'est un ensemble de temples hyper connus qui apparemment est magnifique, mais c'est Montmartre, quoi. Enfin, voire pire que Montmartre, en termes de monde. Montmartre en haute saison, en pic touristique. Quoi. Donc tu remontes une rue où il y a des boutiques de touristes et de souvenirs partout. Et beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Hein. C'est avec la petite marche philosophique, méditative du temple. Toi, tu croyais que tu pouvais aller avoir la ville pour toi toute seule? Non, mais alors je pensais que ce serait touristique, mais je pensais pas que ce serait comme ça. Vraiment. Toi, tu pensais que ce serait comme ça? Parce que quand on s'est baladé un peu dans le quartier et qu'on a vu, on est passé devant des temples, des trucs un peu jolis, oui, il y avait un peu de monde, tu vois, mais c'était pas. Voilà, c'est quand même. C'est Disneyland, quoi. Ouais. C'est le hotspot de Kyoto. Du coup, je me tâte un peu à te proposer de revenir le matin, tôt. Parce que je sais que là, on va. Enfin, moi, je vais pas kiffer, quoi. Ça va m'énerver, il va y avoir du bruit, on se fait pousser. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc que j'aime pas trop. Donc. On va aller ailleurs. Il y a plein d'autres choses à voir, de toute façon. Oui. Je veux bien vivre en collectivité, mais mieux réparti sur la planète. Tu vois. Bon, après, on est des touristes, hein, on est là, autant que les autres. Hein. Oui, non, mais il y a des choses à. Tu vois, à voir. Oui, mais du coup, je pense qu'on peut choisir un moment de la journée où on profitera plus de l'endroit, tu vois, sans en ayant moins de conséquences, en tout cas, enfin, moins d'inconvénients, et en voyant cette chose magnifique que ça a l'air d'être. Hein. Ouais. Je crois que ça ouvre à 6h du matin, je pense qu'à 6h, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde. Mais c'est comme le Taj Mahal, hein. Je lisais un truc sur une fille qui l'a visité. Elle est allée à 6h, enfin ça ouvre à 6h du matin, ils étaient à 6h du matin, oui il y avait un peu de monde, mais pas du tout ce que c'est quand t'es en plein milieu de la journée, donc bon c'est toujours pareil, enfin tu vois, parce que ça demande de l'effort de se lever très tôt, et donc il y en a peu de gens qui le font, enfin moins en tout cas, et nous les premiers on le fait pas là, donc on se couche très tard aussi. Oui, il y a des circonstances exceptionnelles aussi. Voilà. Donc on va trouver notre rythme. Oui. Mais t'es grognon quand même, du coup, hein. Ça fait du. Bah, c'est parce que ça avait l'air trop bien et que du coup, je suis un peu déçue parce que là, ça m'a. En fait, depuis qu'on est arrivé, je trouvais ça génial que ce soit calme et tout ça. Et en fait, là, bah, du coup, ça m'a foutu une claque, quoi. Enfin, c'était un peu violent. Oui, on a juste traversé une rue et c'est devenu incroyablement bondé et touristique. Alors que vraiment, dans le quartier où on est, qui reste un quartier quand même pour moi. C'est touristique parce qu'en plus c'est sur le chemin philosophique, ouais. Donc ça reste touristique normalement. Il y avait personne encore même ce matin, enfin au moment, juste avant de passer ça. Et puis il y a des locaux, alors que là, bon, là il y a des Japonais, hein, c'est clairement, mais en plus je sais pas si c'est parce qu'on est mercredi, mais il y a des enfants partout. Ouais, je pense qu'il y avait Mais après, c'est peut-être la pause déj, alors les... Bon, bref, je pense que c'est pas le bon timing pour nous, donc on reviendra. Oui. Mais sinon, oui, tout est très très joli. Hein. Bah et c'est ce que je disais, même les boutiques de touristes avec des souvenirs, tout est... Enfin, c'est peut-être des trucs fabriqués en Chine, hein, mais en tout cas, c'est bien fait, quoi. Enfin, tout est très joli, très fin, hyper mignon. Ils ont plein de trucs tellement mignons, c'est vrai qu'ils sont très très doués là-dessus, quoi. T'as envie d'acheter tous les magasins. Voilà, heureusement qu'on vit dans un sac à dos, parce que... Quoique j'ai très très envie d'acheter une tasse en céramique. C'est sûr que ça ne pèse pas du tout son poids. C'est pas fragile. Non. C'est hyper pratique quand tu voyages en backpack. Exactement. Oui, mais bon. Voilà. Bon, c'est pas facile de rester à la tentation. Oui, bah oui. Par où va-t-on passer ? Bah où va-t-on ? Est-ce qu'on fait un tour par là, peut-être ? Je sais pas, si là c'est un parking. Ah. C'est chouette les parkings. On a trouvé un chemin qui était plus calme quand même si ça reste assez emprunté. Les gens sont un peu plus silencieux, quoi. Ouais. Je pense que c'est un axe moins... moins connu. Il y a beaucoup de monde, hein, pourtant. Mais c'est juste que... Je sais pas, les gens se parlent normalement, quoi. Ils crient pas, ils ont... Mais on a pas dit que c'était beau, quand même, toutes les maisons en bois traditionnelles. Et tout est beau. Que ce soit l'architecture, que ce soit la nourriture, que ce soit même d'un point de vue style, enfin, tu vois... Ils sont tous hyper bien habillés, même les gens qui sont habillés de façon très simple, hein, tu vois. Tout est très fluide, joli, tu vois, enfin, c'est... Ouais. C'est sûr que c'est la beauté, quoi, ici. Voilà. Et on a remarqué, enfin, tu ne peux pas ne pas remarquer. Oui, je pense que globalement, tout le monde le sait, hein, tous les gens qui sont allés au Japon. Mais... C'est tous les plats, mais aussi tous les... Tout ce qui est nourriture dans des magasins qui vendent des biscuits, par exemple, ce genre de choses, c'est présenté en extérieur. Donc c'est les plats qui sont en forme de... Enfin, c'est des sculptures, quoi, en fait. T'as l'impression qu'ils ont pris le plat et qu'ils l'ont figé, quoi. Enfin, pour cette idée que tu ne sais pas comment ils font. Mais... Partout comme ça. Alors, est-ce que c'est spécifique vraiment... À des endroits qui sont touristiques, pour les touristes. Enfin, quand on a lu sur le petit guide, ils disaient que c'était partout comme ça, hein, même... c'est leur fonctionnement, quoi. Ouais. Ce qui est très pratique, en vrai, vraiment, pour te rendre compte. Il y a beaucoup de menus, déjà, qui ont des photos, en tous les cas, même quand il n'y a pas les espèces de petites sculptures devant. Mais dans la majorité des cas, il y a des petites sculptures, quoi. Et du coup, c'est chouette pour commander. Pour se rendre compte de ce que tu vas manger et tout, c'est... Ah, puis c'est surtout que c'est bien fait. C'est vraiment très beau et c'est des vrais artistes qui doivent faire ça, parce que je sais qu'il y a, quand ils font des pubs pour McDonald's par exemple, quand tu vois un burger dans la pub, c'est pas un vrai burger, c'est de la sculpture, quoi. C'est des artistes qui sont justement embauchés pour faire ce genre de choses. Et voilà. Là, il y en a devant nous justement. Bah, t'as l'impression que tu peux les bouffer, quoi. Ah, mais oui, c'est tellement bien fait. C'est ouf. Et aussi, on n'a pas dit qu'il y avait énormément de gens en kimono. Mais vraiment, beaucoup de gens. Mm. Et pas des touristes. Enfin, peut-être des touristes japonais, mais en tout cas pas des occidentaux, quoi. Qui louent ça pour se faire plaisir. D'ailleurs, il y a des boutiques de location de kimono. Il y en a pas mal autour de chez nous. Voilà. Ça m'a pas l'air très très confortable. Et quelle date ? Le 17. 17 octobre 2019. Il y a des enfants autour de nous, mais c'est normal parce qu'on est au musée du train. On est trop contents. On est aussi excités qu'eux, je crois. Ouais. Et encore, ils étaient plutôt calmes. Alors qu'ils sont nombreux, quoi. Bah, ils sont nombreux, donc ça va. Du coup, il y a plein de trains. Ouais, c'est notre paradis. Là, on est dans le rayon des tickets, c'est hyper intéressant. Je te montre les différents types de tickets depuis... Ouh là là, c'est calme, c'est une petite voix aiguë, ça. Oui, c'est... Ah, depuis 1897, l'évolution des tickets. Oui. Ben, je vais couper maintenant, parce que ça devient très bruyant autour de nous. C'était tout calme. On est devant des maquettes de trains qui bougent. C'est ouf. C'est un énorme diorama. 30 mètres de long. Il y a avec plein de trains différents. Ah, je crois que c'est... Non, c'est pas sûr. Ah, le Shinkansen, on l'a vu. Hein. On a vu plein. Mais ils en sont fiers en même temps. Je comprends. T'es sûr que c'était pas celui-là? Parce qu'en fait, il me paraissait court, 3 wagons. Ouais, parce qu'il faut 5000 euros la place. Mais c'est 30 personnes quand même, avec des chambres doubles. Enfin, tu vois, plus le restaurant, plus le machin. Donc en fait, c'est un peu grand, je pense. Parce qu'on a vu le train de nos rêves, c'est le Toilet Express. Mais du coup, c'est 5000 euros. Là. C'est à partir de 5000 euros pour nous deux, quoi. Pour une nuit et deux jours de trajet. En fait, c'est un hôtel roulant. C'est pour ça que ça restera le train de nos rêves. Parce que, voilà. C'est vrai que c'est énorme, cette maquette, quoi. C'est impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Même à La Rochelle, au musée des maquettes, c'était bien, c'était 10 fois plus petit. C'était grand, je crois. Non ? Ok. On pouvait tourner autour facilement. Enfin, c'était... Non, franchement, c'était, je pense, 10 fois plus petit. Du coup, la dame, elle raconte des choses, mais on sait pas ce qu'elle dit. Elle fait de l'aiguillage, je crois, mais je suis pas sûre. Voilà. Encore le Shinkansen. Voilà, on vient de sortir du musée des trains. Et c'est quand même... C'est combien de temps? 4 heures. Bah, t'es arrivé vers quelle heure? 11 heures. Ah, bon, ça, hein. Ouais, 11 heures. On a fait une petite pause déj dedans. C'est très très très complet. C'est-à-dire que ça expose même jusqu'au brassard des agents de train. Les différents types de fonctions, quoi. Si t'es conducteur, contrôleur. Selon la période aussi. Donc, ouais, non, c'est hyper riche. Et, c'est très intéressant. C'est un peu trop riche d'ailleurs, parce qu'au final, à la fin, t'es un peu genre, wow, trop d'informations, ouais. Quoi. C'est toujours le problème des musées, moi, si tu veux, tu piétines, donc c'est un peu fatigant aussi, enfin. Mais c'était chouette, quand même. Après, le seul inconvénient, c'est que donc tous les titres sont traduits en anglais, donc globalement, tu sais ce que c'est que t'as en face de toi. Mais en revanche, les explications qui ont l'air assez intéressantes et qui permettraient de rendre le truc un petit peu plus... comment dire... Encore plus intéressant, quoi. Enfin, c'est en japonais. C'est pas traduit, donc... C'est un peu dommage, parce que tu sens que c'est assez récent, les panneaux explicatifs. Tu voulais pas rentrer dans le parc et te balader? Bah non, si on va au oui, magasin. Oui, on pouvait te passer par le parc. Oui, c'était pour flâner. Ah. On va... voilà, mais sinon, non, c'était chouette. Et on était même prêts à acheter des petits souvenirs au gift shop. Ouais, on avait trop envie de se faire un petit plaisir train, quoi, parce que bon, nous, quand même, c'est un peu notre vie. Bah, il y avait rien. Enfin, non, il y avait plein de choses, mais... Non, mais en plus, il y avait rien qui m'intéressait, quoi. Enfin, au-delà du fait que tout était hyper emballé, mais bon, j'aurais pu craquer pour un truc emballé si vraiment ça m'avait fait triper. Mais en l'occurrence, il n'y avait rien qui... Donc là, il y a des enfants dans une mare. Mmh. Ok. Bah, ils pêchent. Ok. En l'occurrence, ouais, j'ai rien trouvé qui me faisait rêver, quoi. Tant pis, écoute, tant mieux pour notre porte-monnaie, pour la planète. Je pensais que j'allais trouver mon petit pins de remplacement ici, mais non. Tu sais si tu cherches un pins depuis longtemps? Bah ben oui, et comme quoi, tu vois, je me précipite pas sur le premier pins venu. Pas comme moi, c'est ça? J'ai pas dit moi, je. Moi, c'est que moi, j'ai plein de pins sur ma casquette. Mais que t'es prêt à offrir pour des gens, des fois? Bah, il y en a certains que je pourrais laisser pour des gens, oui. D'autres, non. Mes coccinelles, je les laisserai pas. Ils jouent beaucoup au baseball, les Japonais, j'ai l'impression. Culture américaine pendant un moment, quoi. Sans que ça ait eu des impacts, quand même. Entre ça et Halloween... Oui, c'est sûr. Je sais pas si c'est vrai. C'est un... venue de l'invasion américaine après 45 ou pas, ou si c'était avant ou si ça s'est fait après. Il y avait énormément d'enfants dans le musée. Mais genre, enfin non, mais c'est pas une... Énormément, oui, non, c'est clair. Hallucinant, entre les écoles, du coup, il y avait vraiment beaucoup de classes d'enfants, et aussi bah, les parents avec leurs petits, c'était incroyable, quoi. Ils avaient l'air tous très excités de voir des trains et tout, quoi. Comme nous. On faisait moins de bruit, quand même. Un petit peu moins excités, d'eux. Mais, je veux dire un truc... Ah oui, on a vu qu'il y a des araignées mortelles. Et donc, il y a des panneaux. Venimeuse. Poisonous, ça veut dire venimeuse, ça veut pas dire mortelle. Bah, en tout cas, celle que j'ai prise en photo, du panneau, hein, pas de. Pas en vrai, j'en ai pas encore vu. Je me demande si c'est pas une qui est un peu commune en Australie. Alors, peut-être elle est mortelle, mais c'était pas ce qui est marqué en tout cas. Donc, tu fais un raccourci qui va faire flipper ta mère et ma grand-mère. Moi, ça me fait flipper avant tout le monde. Ah, le Shinkansen qui passe au loin. Il y a plein encore de trains, là, des wagons, un peu partout dans le parc. Bah, c'est du coup une ancienne gare, qui est très proche de la gare principale de Kyoto maintenant, qui a été réaménagée pour en faire le musée, quoi. On a satisfait notre besoin de voir des trains. Mais du coup, on est un peu déçus parce qu'on ne pourra jamais aller dans le Twilight Express. Alors que ça avait l'air sympa. Hein. Sinon, on prend des tickets de loterie japonais. Et puis... Ouais, on peut. Avec un coup de chance. Ça arrive à certains, hein. Gagne le premier coup. Hein. Mm. Ah, c'est un restaurant, ça, dans le train. Stylé. En tout cas, ils sont très fiers de leur train et ils aiment le train. Alors ouais. Que chez nous, c'est un peu un truc... c'est pas très in, quoi. C'est pas très... Tu vois. C'est un moyen de transport, mais je veux dire, c'est pas... Bah, disons, ça fait longtemps qu'on ne glorifie plus tellement le train, quoi. Exactement. C'est... Alors que là, apparemment, c'est quand même encore très, très utilisé. Il y a énormément de lignes. Et puis, ils sont très fiers de leur ponctualité. Ça, on l'a vu, hein. Ils ont bien précisé. Ah, de toute façon, s'ils ont 2 minutes de retard, pour eux, c'est... Harakiri. Mais presque, quoi. Alors que bon, nous, 2 minutes de retard, c'est... On n'en parle même pas, d'ailleurs on se rend même pas compte en tant que passager si t'as 2 minutes de retard. Mais c'est la norme. En revanche, j'ai vu qu'il y avait des systèmes de déneigement sur les trains et tout ça qui font qu'a priori, même quand il y a 2 mètres de neige, enfin pas 2 mètres mais au moins 1 mètre de neige, les trains passent. Alors que ça, pour le coup, chez nous, ça n'est pas le cas. C'est ça, c'est le transperce-neige. Nous sommes le 18 octobre 2019 et tu as remarqué des choses. Alors on va attendre que le camion passe. Les maisons et les immeubles sont très étroits, très étroits, assez hauts. Et même quand ils sont très très proches les uns des autres, comme nous en général ce serait mitoyen, là il y a toujours un petit espace entre deux constructions. Que parfois c'est vraiment genre très très peu, hein. Enfin on a vu là c'est genre 5 cm quoi. Parfois c'est un peu plus, ouais, de quoi faire passer quelqu'un, parfois c'est des petites ruelles. Mais c'est assez étonnant et du coup on se demandait pourquoi. Je pense que c'est lié au problème tectonique du pays qui fait que s'il y a un tremblement de terre et que tout est mitoyen, s'il y a une construction qui a une fondation plus... Enfin qui n'aurait pas été touchée parce qu'elle avait des bonnes fondations ou une bonne construction et tout, elle pourrait être déstabilisée par celle d'à côté alors que si elles sont toutes séparées, du coup il n'y a plus trop ce risque quoi. Tu viens de te faire chier dessus ? Putain, c'est passé pas loin. Oh punaise ! Ah, il a attendu que je sois à son niveau, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, bon, là, on a le contre-exemple juste devant nous. Oui, bah là, oui, parce que sinon ce serait pas drôle. Là, nous sommes devant un temple, on dirait. Alors, je sais pas si c'est comme ça partout au Japon, mais à Kyoto, il y a des toilettes publiques quasiment partout. Gratuites. Ce qui nous change un peu de l'Asie centrale, notamment où, même en Turquie, on fait toujours payer, même dans les gares ou dans les trucs comme ça. Et c'est d'une propreté, mais genre hallucinante. Il y a du papier tout le temps. Enfin, c'est assez, assez dingue, quoi. Voilà. Je trouve ça chouette. moi, de pouvoir aller faire pipi sans paniquer parce que du coup tu sais pas où poser tes mains ou comment ouvrir la porte, tu vois, au cas où de... tu te fasses contaminer par je ne sais quoi. Voilà. Qu'en penses-tu ? C'est cool. Bah, parfois il y a des araignées venimeuses dedans, mais... Ouais. Fais attention. Oh, j'ai toutes petites choses encore partout. La sortie scolaire, pas bien. C'est peut-être les vacances, remarque. Parce que c'est les vacances en ce moment chez nous, je crois. Les vacances de Toussaint. Bah oui, mais. Peut-être ils seraient pas tous ensemble. Oui, non, c'est sûr. Non, non, c'est sûr. Peut-être il y a plein d'écoles aussi, ils sont nombreux. Oh, ça commence à pleuvoir. Donc là, on va au musée national de Kyoto, on l'a pas dit ? Non. On l'a dit ? Voilà. Juste au moment où il pleut, donc ça c'est cool. Ouais. Et le bâtiment est magnifique, on dirait quand même un truc français quoi. Ouais, dans le Louvre. C'est complètement inspiré, clairement, parce qu'il y a de la tôle, non, c'est du zinc, enfin du toit en zinc. Ouais. Pas le toit, mais. Ouais, de la tuile quoi. De la tuile, de la brique. Ouais, et puis cette espèce de forme. Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Enfin bon, ouais, en tout cas, c'est très inspiré d'un. Straussmann quoi. En fait. Tout à fait. Qui dénote un peu avec les temples à côté. Ouais, ouais. C'est un joli bâtiment, quoi qu'il en soit. Ça a l'air très grand et très intéressant. Comme à l'accoutumée. On a vraiment de la chance avec les musées. On n'essaye pas d'en visiter beaucoup, mais globalement, c'est toujours pareil. Bah, c'est fermé. Mais genre, jusqu'à l'année prochaine, quoi. C'est pas fermé juste aujourd'hui. Ça va être en travaux ou en rénovation, on ne sait pas. Il me semblait que sur le guide, c'est marqué que c'était jusqu'en 2019, et après, oui, ça a été repoussé. Ah, c'est les travaux, hein. C'est quand ça commence, hein. C'est pas quand ça se termine. Donc on va aller voir l'exposition temporaire. Ça coûte une petite blinde quand même, hein, pour l'entrée. Ouais, c'est pas donné. Bah, du coup, on a payé 15 euros par personne, quasiment. Ouais. Mais bon, ça avait l'air joli. On va aller voir ça. Bah, j'espère qu'il y aura quand même un peu des explications en anglais. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'on parlait pas japonais. Et que parfois c'était un petit sujet. Va falloir s'y mettre, hein. On verra. Il y a des restes de du temple Hokoji qui a été construit entre 1537 et 1598. Chrétienne. Ouais. enfin, de références identiques. Bah, notamment l'espèce de soleil derrière, quoi. Il y a un sceptre et une lance, mais moi, je sais pas comment. Il a des yeux bizarres. Ah oui, il a des yeux qui brillent. Enfin, des vrais c'est yeux. C'est du cristal, je crois. Parfois, il met du cristal, donc je pense. On a l'impression qu'il nous regarde. C'est un peu creepy. On dirait un clan, un gros clan dans la main. Nous voilà sortis du musée. Alors, qu'en as-tu pensé? J'ai bien aimé la fin. Ouais, moi aussi. C'était très beau. Tous ces dessins, peintures, je sais pas trop comment ça s'appelle. Comme style. Ça doit avoir un nom, style de truc un peu... Oui, alors moi j'étais assez surpris, c'est que le style en soi n'a pas changé entre le 13e et le 18e, 19e siècle. En fait, c'est plus coloré. Fin. Oui, en fait, c'est juste que c'était un peu effacé parce que forcément, au 13e siècle, c'est un peu vieux, quoi. Et du coup, en fait, oui, voilà, il y a cette vue de dessus de trois quarts sans perspective qui donne l'impression tu sais, que t'as. Comme dans les jeux, comme les Sims ou ce genre de jeu, tu sais où c'est. T'as pas de perspective. Ok. Tu vois, et t'as l'intérieur des maisons aussi, tu vois, un petit peu, tout ça, c'est, je trouve ça. C'est joli, enfin, avec des belles couleurs. C'est très joli. Donc c'est vrai que c'est dommage que ce qui est pas plus que ça, alors qu'il y a eu beaucoup de poèmes, avec toujours les mêmes représentations des poètes. Et au final, bah, quand tu lis pas le japonais, c'est pas trop d'intéressant parce que. Tu vois toujours les mêmes dessins et... Après, c'est... Enfin, c'est le thème de l'exposition, quoi. C'est 36 poètes japonais en forme comme ça, là, donc bon. Non, mais ce qui était bien, c'était après d'avoir la représentation de ces poètes dans des scènes, ou alors d'autres... de leur vie aussi, des scènes de leur vie et tout ça. Ou sur des grandes... des grands... je veux dire parchemin, mais ouais, je suis pas sûr que dans ce style, quoi. Les rouleaux, quoi, de papier qui font des mètres et des mètres. Ils sont très très beaux, c'est tout ce papier là, avec des effets un peu. Bah, tout d'un coup, c'est très calme. Mmh. Avec des effets scintillants, un peu différentes textures, différentes couleurs. Enfin, c'est assez impressionnant. Je crois qu'ils sont très très très calés niveau papier japonais depuis longtemps, et c'est toujours aujourd'hui, je crois, un art. Chez eux, oui. On avait vu un reportage sur un monsieur qui faisait, ouais, du papier, ouais. De façon encore artisanale. C'est assez, j'aimerais bien voir ça. Fascinant. Trouver ça. Donc oui, la fin c'était chouette. Après le reste, c'est vrai que bon bah nous ça nous laisse un peu, tu vois, on est un peu genre, on comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Ouais. Les statues étaient jolies aussi. Oui. Mais c'est vrai que c'est une petite exposition malgré tout. Ouais. D'où c'est très cher pour quelque chose qui n'est pas très accessible, pas très bien expliqué non plus, parce qu'au final, à part en effet, enfin, 2-3 lignes sur chaque, enfin, pour dire qui était la personne en question, on ne sait pas trop plus. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est normal qu'on ne sache pas plus, c'est peut-être rien de plus à dire. Mais... Bah, c'est vrai que moi j'avais envie de venir là pour apprendre sur l'histoire du Japon. Pas de l'art du Japon. Oui, mais je pense que l'histoire du Japon, ouais. Ce qui est le cas, je pense, du musée principal. Bah, oui. Mais bon. Mais il y a celui de Tokyo qui apparemment est très bien, donc espérons qu'il ne soit pas fermé. Croise les doigts. Nous vous dirons. Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills. And the mean old wind won't blow no luck my way. Made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This year is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers. Give you some lessons round these parts. I tell you, no amount of right gonna justify your life. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end. And I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This here is hard country. You don't take these words to heart, you'll find your share of teachers. Give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. Just me and my six gun, we're drinking beer. And this here is hard country.